qu'un jour je puisse te voir, ou simplement te croiser quelque part. Crois-tu qu'il soit possible même que je me dise que tu traînes? Pas une.